Bonsoir mes soeurs, bonsoir mes frères, baissons la tête, prions. Tendre Père, tu nous aimes, tu nous as toujours aimés, et bien plus, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence. Seigneur, donne-nous d'être vrais dans nos actions, donne-nous d'être vrais dans nos cœurs, donne-nous d'être vrais dans notre amour, donne-nous d'être vrais dans nos relations. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. À qui d'autre irons-nous, Père? Parce que c'est toi qui es notre Créateur, notre Sauveur et qui plus tard jugera les vivants et les morts. Donne-nous de prendre cela en considération dans nos paramètres de vie sur terre et de savoir surtout, Père, que nous avons une brièveté de vie sur cette terre et que nous sommes qu'un souffle, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et après disparaît, afin que nous nous amendions, Père de gloire, à savoir comment nos jours sont peu nombreux. Seigneur, nous prions, Père, ce soir, afin que tu nous donnes la nourriture pour ce moment-ci, ce que tu veux pour nous. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, en ce moment-ci, Père de gloire, que tu nous nourrisses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons craindre Dieu. Pas vrai. Vous avez, on n'a pas de questions, on lit la Bible. On n'a pas de questions, on lit la Bible. Vous avez des questions? Oui. Oui. Oui, je voulais savoir, par rapport à l'enseignement des talents qu'on a enseigné jeudi sur le passé, j'aimerais savoir si, selon la Bible, parce que selon le contexte humain des hommes, il y a une différence entre les talents et les dons. Oui. Et comme tu avais dit, comme tu as dit plutôt que c'est un problème grave de chercher la définition d'un mot, de partir chercher dans le dictionnaire, j'aimerais donc savoir si, selon la Bible, il y a une différence entre les dons et les talents. Ça, c'est clair qu'il y a une différence entre les dons. Il y a une différence entre les dons et les dons spirituels. Quand la Bible dit don, c'est don. Quand la Bible dit don spirituel, c'est don spirituel. C'est deux choses différentes, d'accord? Oui. Autre question. Maintenant, c'est la différence donc, que vous voulez savoir. Parce qu'il y a la définition. Les enseignements concernant les dons et les appels, est-ce que tu les as suivis, les cinq enseignements? Les cinq, tu les as suivis? Non, mais j'avais assisté à d'autres. Qu'est-ce que c'est que donc, les dons? Dont on a parlé là-bas, les dons et les appels. Tu te souviens? Vous voyez que vous devez écouter les enseignements, n'est-ce pas? Des questions, frère? C'est pas des questions. On va dans la Bible, on voit ce qu'il a à nous donner ce soir. On peut aller maintenant, on peut commencer. Prenez la Bible, prenez les notes. Prenez, merci, Père. Notez le livre des 1 Corinthiens, chapitre 13. Notez. Vous avez noté? Maintenant, notez-le au chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais être bref. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 6. Chapitre 6. Chapitre 13 et chapitre 6. Oui. Vous y êtes. Notez Romains chapitre 8. J'espère qu'on va finir ça aujourd'hui. Il ne donne pas les versets exprès. Galates chapitre 5. Notez Matthieu chapitre 6 et chapitre 7. Je vais parler. On va y avancer. Matthieu chapitre 6 et chapitre 5. Tout le monde dit, hein? Voilà. Maintenant, on va toucher un sujet. Est-ce qu'il peut donner le sujet ou bien on dit d'abord? Dans le sujet. Je vais toucher un temps, soit peu, jugeons-nous nous-mêmes. Je vais parler de cela. Jugeons-nous nous-mêmes. Voilà. Ce style de jugement, c'est, vous savez, lorsque vous voulez vous habiller pour sortir, savez-vous que vous vous jugez d'abord? Vous jugez si c'est convenable que vous vous habillez avec telle chemise, tel pantalon pour les hommes et si tel foulard casse la couleur avec le sac pour telle ou telle femme, n'est-ce pas, mes soeurs? Vous ne portez pas tout juste le bleu, vous mettez sur le rouge et autres là-bas. Vous vous examinez. Puis vous allez dans le miroir pour savoir si ça se passe, n'est-ce pas? C'est ainsi que doit être notre vie. Parce que normalement, dans toute la vie, que vous l'admettez ou non, dans toute notre vie quotidienne, nous nous jugeons. Nous examinons ce qui est bien. Vous faites le choix. Quand vous allez au marché, il y a des gens qui sont alignés, qui vendent telle chose, vous voulez acheter telle chose. Vous examinez. C'est pour ça que vous êtes devant celle qui vend. vous regardez, vous prenez la tomate, vous vérifiez, vous laissez. Généralement, vous quittez la personne, vous allez dans une autre personne, n'est-ce pas? Quand vous allez regarder la qualité du prix, vous voulez acheter un frigo ou n'importe quoi, vous regardez ici, c'est combien? 130 000. Si ici, ça consomme, ici, vous prononcez des jugements. Mais on devrait davantage faire cela dans nos vies quotidiennes. Notez le chapitre 11 de 1 Corinthiens aussi. On devrait davantage faire cela dans notre vie quotidienne, spirituelle. Le plus grand, c'est là-bas. Donc, commençons dans le dernier dont on a donné maintenant. 1 Corinthiens chapitre 11. Commençons dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dans chapitre 11, regardons le verset 30 à 32. Vous y êtes? Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 30, chapitre 11, verset 30 à 32. La Bible déclare, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez? Tout le monde y est? Amen. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Puis dit verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Vous avez vu cela? Merci Père pour ce sujet. La Bible nous demande dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 32, et en nous signifiant que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus quoi? Nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, écoutez très attentivement, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc il y a un style de jugement que le Seigneur s'attend à ce que les croyants puissent le faire pour eux-mêmes. Maintenant, il y a un problème. Le jugement n'est pas fait avec n'importe quel standard. Le jugement dont on parle, ça va être le standard avec la parole de notre Seigneur. C'est-à-dire, si vous vous jugez et vous jugez selon votre standard, par exemple, je prends un exemple simple. Un homme qui est marié et qui est en train de toucher à une autre femme, il touche les cuisses de notre femme chaque fois. Il dit que non, pour lui, il ne trouve pas ça comme étant péché. S'il dit comme ça, il va se contenter dans le péché sans se rendre compte que c'est le péché. Ou mieux, en voulant tuer sa conscience que ce n'est pas le péché. Je ne sais pas si vous saisissez. Et là, dans ce cas-là, il a donné un faux jugement parce que le standard n'est pas lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la Bible appelle cela impurité. Maintenant, s'il veut être jugé, il veut juger avec son standard. C'est ce qui va arriver. Il va arriver à vivre dans le péché et à se laisser séduire et enduire dans le péché. Nous sommes d'accord? Amen. Maintenant, s'il veut juger avec la parole du Seigneur, voici normalement ce qu'il va faire. Il va dire, ok, maintenant, ce que je fais sur la cuisse de cette femme-ci, supposons que ma femme soit là et qu'un autre fait sur sa cuisse, serais-je content? Non. Il sera content, frère? Non. Maintenant, s'il n'est pas content, ça suppose que ça c'est mal, pas vrai? Amen. Parce que ce qu'il a de faire, il n'aimerait pas qu'on fasse pour lui. Un verset biblique devait de l'attraper. Ne fais pas à ton prochain ce qu'on aimerait pas qu'on te fasse. Deuxième chose, si son épouse soit elle là, est-ce qu'il fera ces choses? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Parce que si il te salue comme ça, bonjour mon frère, bonjour. Et que ton épouse elle voit, si il salue comme ça, quand ton épouse est quand je ne parle, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que l'acte ne pose pas de problème. Mais lorsqu'il y a ton épouse et que je ne parviens pas à faire ce que je fais avec toi, il y a un. Le jugement n'est pas. Effectivement, c'est le standard de Dieu. On se comprend? Parce que la Bible déclare que ce qui est dans la lumière, on l'amène dans la lumière, et exposé à la lumière, ce qui est de la vérité. Mais c'est quand quelque chose d'ailleurs commence à être caché, il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'il dit que si donc nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et il dit que lorsque nous sommes jugés de cette façon-là, nous sommes châtiés par le Seigneur. Parce que nous passons directement sur le châtiment du Seigneur, le brisement du cœur. Et quand on est brisé de cette façon-ci, la Bible déclare que Dieu le fait exactement pour notre bien, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce qu'il veut dire, ce genre d'acte-là, si on te voit ça, on voit ça dans le monde, sache que si on condamne le monde, tu seras condamné. Point, quelqu'un dit, si tu fais quelque chose, que le monde fait, alors tu seras condamné avec lui. Mais comme le Seigneur t'aime et tu es son fils, il ne veut pas que tu sois condamné avec le monde. Donc il faut régler ton propre problème. Amen. Vous suivez? Donc c'est ce sujet-ci dont nous allons voir. Je ne sais pas si le Seigneur permettra qu'on en finisse maintenant. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Les Corinthiens, c'est pour ça que vous devez rendre grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu du fait que ces personnes, remarquez que Dieu a laissé les personnes nourrir. laisser les personnes handicapées pour nous donner l'éducation afin que nous ne mourions pas, que nous ne soyons pas handicapés. Il a permis que des êtres humains meurent pour qu'on écrive cela, pour qu'on nous donne les exemples. Donc il nous aime véritablement. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire que Dieu a permis dans l'église naissante que les gens, pour eux encore, on pouvait encore beaucoup tolérer, frère, parce qu'ils n'avaient pas l'écriture. Il en est écrit aux Corinthiens que les morts qu'il y a eu parmi vous, les handicapés qu'il y a eu parmi vous, c'était à cause de ces choses-là. Or, eux, ils n'avaient pas l'écriture pour lire. Donc maintenant, toi et moi, on peut lire dans l'écriture maintenant que, lorsqu'on ne se juge pas soi-même et qu'on peut participer à la table du Seigneur, ça peut nous amener à la mort. Vrai? Amen. Donc Dieu nous aime, frère. Amen. Dieu nous aime. Le simple fait qu'il ait permis que certains chrétiens meurent dès le départ, pour que ça soit un exemple pour nous, que certains chrétiens tombent dans l'handicap, dans les handicaps, pour que ce soit un exemple pour nous, c'est un signe d'amour pour nous. Donc il a laissé que ceux-ci meurent pour vous dire que regardez comme ils sont morts. Vous faites attention. Alors eux, ils ont fait quoi pour mériter la mort? Ils ont fait quoi pour mériter les handicaps qu'ils ont eus? Vous comprenez? Amen. Donc tout le temps devant quelqu'un dit, l'heure est venue, on doit se juger soi-même. Vous entendez, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Ce style de jugement, normalement, la Bible veut parler d'un examen profond, silencieux, assidu de notre propre vie spirituelle. C'est ça dont la Bible veut parler. Un examen profond, assidu, sérieux, approfondi de notre propre vie spirituelle. C'est-à-dire, lorsque je te regarde véritablement, est-ce que les choses du monde s'attachent encore à toi? Parce que comme le Saint-Esprit a dit là, lorsque nous sommes jugés, nous ne serons plus jugés comme ça. Et par conséquent, le Seigneur châtie afin que nous ne soyons pas condamnés. Parce que ce jugement-ci, le but du jugement, c'est de condamner ce qui est péché au plus haut point. C'est ce jugement dont on veut parler. C'est-à-dire que Dieu veut par là dire, le chrétien doit appeler péché ce qui est péché, sans caresser. Là, nous parlons de notre propre vie. Ce n'est pas pour les autres. Hein? Ce n'est pas pour les autres. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 6, et quand il a fini au chapitre 7, avant d'aller au chapitre 7, vous avez remarqué que le Seigneur dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain? Oh, premièrement, la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu pourras donc voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Voilà le principe qui est établi. Alors, l'apôtre Paul pouvait donc dire que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et s'étant jugé, regardant que sa vie est alignée avec la vie de Christ, il peut donc dire que vous, n'étant même pas présent, j'ai déjà jugé un tel acte. Vous voyez, n'est-ce pas? Que cet homme soit livré à Satan. Il ne pouvait pas dire ces choses si lui-même vivait dans la même iniquité. Il ne pouvait pas dire cela. On se comprend? Parce que le Seigneur a dit, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil afin que tu voies. Donc quand la poutre est ôtée, tu peux voir les petites choses qui sont dans les yeux. Parce que si tu as eu la puissance de Dieu pour pouvoir enlever la poutre est plus grande et plus coriace à enlever que la paille. Alors tu vas voir effectivement que le plus gros problème se trouve chez toi. Que chez toi, pour pouvoir enlever les problèmes là, c'est difficile. Pour les autres, c'est parce qu'en réalité, si tu exerces déjà ces choses et que tu enlèves chez toi, tu peux aider les autres à enlever. Tu comprends ça, frère? C'est-à-dire que si tu parviens à enlever chez toi, à vivre ce que la Bible déclare, tu peux donc aider donc les autres aussi à s'en débarrasser. C'est pour ça que pour eux, ils deviennent la paille. Tu as d'ailleurs une expérience dans ta propre vie. Tourne-toi, regarde quelqu'un dit, jugeons-nous nous-mêmes. Jugeons-nous. Tu comprends là? Je peux continuer, frère? Amen. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous voyons effectivement l'important de ces jugements. L'important du jugement vient au niveau où vous pouvez vivre votre vie chrétienne n'importe comment. Ne sachant pas que non, disant que Dieu comprend, Dieu n'a pas compris pour ceci. Et il dit clairement que si vous ne vous jugez pas nous-mêmes, on sera condamné avec le monde. Et ici, il s'agissait particulièrement à la table du Seigneur. Donc il voulait dire, vous ne pouvez pas vivre ce style de vie là, approchez-vous de la table du Seigneur pour manger. Et il donne les injonctions. Voulons-nous nous attaquer au Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que vous voulez amener le courroux du Seigneur, la colère du Seigneur au milieu de l'assemblée? Il dit, faites attention, jugez-vous vous-même afin que vous ne soyez point jugés. C'est pas ça qu'on se comprend. Amen. Voilà pourquoi vous voyez dans les enseignements, il disait effectivement que normalement, si vous voulez voir le sens chrétien du terme, des profonds chrétiens du terme, vous allez voir effectivement que personne n'a le droit d'aller prêcher à un autre sans avoir encore sa vie conditionnée par le Seigneur. Tu vas aller enlever, dire à quelqu'un dans le monde que quitte la, tu sais que la fornication n'est pas bien, toi-même tu te masturbes. Vous devez dire ça, frère. Parce que la personne qui condamne la masturbation, condamne la fornication. Toi, tu n'es pas encore libre. La Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 22, il dit qu'ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes captifs. voyez, comment tu vas aller dire à quelqu'un que Jésus-Christ libère, que Jésus-Christ délivre, alors que toi tu es dans la captivité? On se comprend? Amen. Maintenant, si tu viens dire à quelqu'un ce que le Seigneur a fait pour toi, j'étais dans la pornographie, Dieu m'en a délivré. Là, tu peux maintenant dire à quelqu'un comment il délivre. Parce que si tu ne fais pas, tu fais ce qu'on appelle un faux témoignage. Parce que tu en as dit quelque chose qui n'est pas vrai pour toi. Donc, tu en as fait de Jésus menteur. Dans ce cas, s'il est délivreur, pourquoi il ne t'a pas délivré de ce même cas qu'il n'en est pas dépassé? Vous voyez pourquoi on doit s'examiner, n'est-ce pas, frère? Amen. Vous avez moi? Amen. Ok. 1 Corinthiens chapitre 13, donc. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Permettez-moi de trouver. Regardez. Verset 11. Vous y êtes? Le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un. Je raisonnais comme un. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de là. Vous avez vu le principe, frère? Vous avez vu la marche, n'est-ce pas? Donc, il faut que les enfantillages quittent nos vies. Si nous disons que nous sommes spirituels, nous devons marcher en homme spirituel. Dans l'une des 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5, maintenant, le principe encore s'établit davantage. Allons-y aux 2 Corinthiens maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 5, chapitre 13, le verset 5, maintenant, cette fois-ci. Regardez ce qui est écrit. 2 Corinthiens, mes chers frères. 2 Corinthiens, chapitre 5, chapitre 13, verset 5 et suivant. Verset 5 seulement, prenons le verset 5. Examinez-vous vous-même. Qui doit faire ces examens? Qui t'a fait cet examen? Maintenant, on va y aller doucement. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Je dis, je ne sais pas comment on peut être un peu plus clair. Il y a des endroits dans la Bible où on doit vraiment prendre au sérieux. Voici déjà l'endroit. C'est-à-dire, je crois qu'on va passer le temps sur ce verset, c'est un peu, un temps soit peu. Examinez-vous vous-même. Le but de cet examen, c'est que tu dois ressortir avec une réponse. C'est que le but de mon examen, quand j'entre dans mon examen maintenant, je vais composer pour savoir si je suis dans la foi. Puis on dit, éprouvez-vous, vous-même. Puis il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est-à-dire, peut-être que avant, à moins que Christ ne vous connaît pas. Si Christ en réalité vous connaît, vous examinez, vous allez voir que quelqu'un se trouve en vous. Si se trouve en vous, alors maintenant, voici la conclusion. Ma marche est-elle conforme à ce qu'il dit? Notez Colossiens chapitre 2. Notez Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 6. Vous y êtes? Notez le verset 6. Ah oui. Regardez. Il dit ici, examinez-vous vous-même pour savoir. Vous voyez comment le but de l'examen est donné, non? Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire quoi? La foi a son style de marche. Ça suppose que la foi a sa façon d'agir. Ça suppose que la foi a sa façon d'être vécue. Et donc, c'est mis à notre disposition. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas comment. Parce que si on dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, ça montre que les principes de la foi sont établis. Il enseigne que il faut que je confronte ma façon de vivre avec ce style de foi-là. C'est-à-dire quoi en réalité? Le verset peut nous dire que la foi a son standard. Nous devons nous arrimer à ce standard-là. Comprends ça, mon cher? C'est-à-dire que la foi a son standard. Nous devons nous y conformer. C'est-à-dire, Dieu veut dire, comparez votre standard au standard de la foi. Votre vie à la vie de la foi. Est-ce que vous vivez comme la foi l'instigue? Si la foi a son standard et que Dieu nous dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, ça suppose donc qu'il y a quelque chose qui peut nous donner les clauses. C'est-à-dire que quelque chose peut nous dire si il comporte comme ça alors que la foi dit ceci, je ne suis pas là-dedans. Maintenant, c'est encore plus grave, comme j'ai dit ici au début, pour ceux-ci à qui c'était adressé directement. Parce que sur quoi devait-il se baser? Il devait se baser selon les instructions qu'on lui avait données audiblement. C'est-à-dire, l'apôtre Paul vient, il prêche, il part. Là, il a déjà écrit une lettre. Quand ils vont lire ça, ils lisent ça pour la première fois de leur vie. On allait demander, examinez-vous vous-même. N'est-ce pas, frère? Pour savoir si vous avez la foi. Il va s'examiner comment? Alors que voilà la lettre qu'on a venu de l'informer. Nous sommes en train de lire maintenant, longtemps après. Nous lisons ce livre, c'est dans 2 Corinthiens, alors qu'on a Jean. on a Matthieu, on a Acte des Apôtres, on a ceci. Eux, ils n'avaient pas ça, frère. Et ils devraient s'examiner. Nous avons le complet aujourd'hui. Donc le code complet transmis, nous les avons. Nous avons le code de leurs erreurs. Le code qui c'est des choses qui leur ont créé des problèmes. Nous avons le code de ce que Dieu leur a fait en tant que conséquence qu'ils ont subi par rapport à leur acte. Nous avons ça. C'est-à-dire que ceux-ci ont fait ceci, Dieu a agi comme ça. Et puis on dit dans ce même code que ces choses leur sont arrivées. Et elles ont été écrites pour nous qui sommes à la fin du siècle. C'est ce que la Bible dit, frère. Amen. Donc le code est complet, définitif, instructif. Et quiconque veut aller loin doit ici examiner. Alors la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir, soulignez, pour savoir si vous êtes dans la foi, soulignez cela. Donc voilà le but du jugement que nous devons faire nous-mêmes. Donc nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Notre examen a un but. Seigneur, suis-je en train de marcher avec toi? Suis-je en train de courir la ligne droite du Seigneur? Parce que si je suis en train de courir la ligne droite du Seigneur avec les regards fixés sur Christ, il peut être en train d'emprunter une route. Le fait que vous empruntez une route, vous continuez à partir, ça ne veut pas dire que vous allez aller à la même destination. Le seul fait que tu en aies de vivre chaque fois que tu te lèves le matin, tu remercies le Seigneur en disant que Seigneur te remercie, ne veut pas dire que tu es en forme et en règle avec lui. Parce que les sorciers se sont levés le même jour-ci. Les francs-maçons se sont levés, ils ont fermé leur réunion là la nuit tard. Fait le plan machiavélique, fait le plan de nouvel ordre mondial, ils se sont levés pour continuer encore le projet. Leurs enfants sont nés, sa femme est tombée enceinte, alors que certaines femmes de chrétiens ne peuvent pas tomber enceinte. Donc, ce n'est pas sur la base des choses qui nous arrivent quotidiennement que nous devons baser notre jugement. C'est pas ça. D'accord? Vous dites, comme cette chose est arrivée, Dieu est avec moi. Non, non, non, non. C'est que nous devons confronter notre vie à la vie de la foi. Et qu'est-ce que c'est que cette vie de la foi? N'est-ce pas la question là-bas, n'est-ce pas, frère? Cette vie de la foi, ça peut se résumer en ceci. Ma vie est-elle une vie exempte du péché? La réponse là doit être donnée. Voilà en quoi consiste l'examen. L'examen doit arriver à aboutir à cette réponse, mon cher, que ma vie quotidienne, c'est-à-dire que le matin, midi, le soir, je viens dormir le matin, midi, le soir, est-ce que ma vie au quotidien est-elle une vie exempte du péché? Vous allez entendre ceci dans la Bible, dans celui des deux, Romains chapitre 6, je ne sais pas si vous avez donné ça, sinon notez cela, on va y revenir. Il dit bien, Père, que ton nom se soit élevé. Si on ne finit pas, on va y avancer. Vous allez entendre dans ce livre de Dieu, dans celui de Romains chapitre 6, verset 12 à 16, il dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Fin de citation. Voilà le code. Vous avez vu? Et n'obéissez point à ce convoitise. Vous avez suivi ça, frère? Donc, dans nos vies quotidiennes, on ne doit pas obéir au péché. Il dit non parce que vous êtes sous la loi, mais parce que vous êtes sous la grâce. Donc, sous la grâce, un refus catégorique de vivre pratique du péché. Vous entendez, frère? Amen. Donc, la vie de la foi est incompatible avec la vie du péché. Donc, la vie de la foi est incompatible avec la vie du péché. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 que celui qui, en qui Christ demeure, celui qui a la semence de Dieu, se préserve lui-même, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des droits, ce qui donne le droit à Satan de venir agir dans ta vie. Il faut que toi, tu le fasses. Il dit, examinez-vous vous-même. Et là, dans 1 Jean chapitre 5, il dit, celui en qui cette semence demeure, il dit, se garde lui-même. Donc, il y a des choses que tu peux faire pour empêcher de pécher. Parce que quand la Bible dit, dans ce Romains chapitre 6, il dit que n'obéissez pas à cette convoitise, aux injonctions du péché. Ça se passe que nous avons le pouvoir de ne pas le faire depuis que Christ est allé à la croix et ressuscité. C'est parce que vous comprenez. Le Seigneur Jésus-Christ a pris tous les aiguillons du péché dans son corps. Il les a crucifiés là-bas, rentrés, il est ressuscité, il nous a accordé une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle est incompatible avec le péché. C'est pour cela que après la résurrection, le message de la sainteté à outrance a commencé. C'est là. Vous allez regarder dans l'Ancien Testament, vous allez voir effectivement comment les prophètes se battent là-bas, les poètes se battent pour dire qui peut vivre sans péché. Même le ciel n'est pas pur au-devant de lui, n'est-ce pas, frère? Amen. Mais regardez bien le Nouveau Testament et voir, il n'y a pas de discours autre que le discours de la sainteté. Il n'y a pas de discours autre que le discours de la sainteté dans le Nouveau Testament. Tout tourne autour de la sainteté. On revient dans l'Ancien Testament pour ce qui était donné par la prophétie. Il dit, soyez saints car je suis saint. Comment on peut dire, soyez saints car je suis saint? Le Seigneur se tient là-bas dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Il dit quoi? Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Il amène le standard des êtres humains au niveau de Dieu. Comment il peut donner à des êtres humains normaux, mortels, d'être parfait comme le Père, c'est Jésus qui, si c'est un apôtre qui avait dit, on pouvait dire que peut-être il a mal compris le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus en personne se tient là, il ouvre ça de sa bouche. Pas vrai, frère? Soyez donc parfait comme le Père Céleste est parfait. Donc le niveau de sainteté n'est pas que, non, j'ai arrêté de pécher, mais il y a chacun a son propre péché, le péché mignon. Ça ne se trouve pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dit clairement ceci, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les injustes, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les enchanteurs, ni les idolâtres, ni les affamés, n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas ça, frère? Non. Puis il dit, et cela, c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Il dit, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été purifiés. Qu'une œuvre s'est produite dans les gens qui vivaient ainsi. C'est pas ça, mon cher? Il dit, une œuvre s'est produite dans la vie des personnes qui vivaient dans l'infamie. Donc, il y avait les homosexuels au milieu de l'église de Corinthe, rachetés par le sang du Seigneur Jésus. Il y en avait. Donc, il dit, ils avaient été purifiés. Donc, ça veut dire que l'acte d'homosexualité a été effacé. Il dit qu'on ne se trompe pas. Qu'aucun injuste n'héritera le royaume de Dieu. Mais, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, du moderne, nous sommes en train de tolérer le péché. Et la Bible nous dit à plusieurs endroits, examinez-vous vous-même. La Bible dit, soyez sages et vaquez à la prière parce que la fin est proche. C'est ce qu'il dit. La Bible dit qu'elle ne doit pas être la conduite et votre sainteté en attendant le jour que vous entendez ce jour dans lequel les éléments embrasés vont passer avec fracas. N'est-ce pas, frère? Il dit que attelez-vous à asseoir bien votre vocation et votre appel. En faisant ces choses-là, vous ne broncherez point. N'est-ce pas, frère? Dis à ton voisin, juge-toi toi-même. Juge-toi. Pas selon ton jugement. Mais selon le jugement de la foi. C'est-à-dire, tu dois sortir avec ces réponses. Réponses. Est-ce que je suis dans le péché ou hors du péché? Est-ce que je suis dans le péché ou hors du péché? Là, tout est dans la Bible, tout. Pour qu'on vive une vie sainte, irréprochable. Et la Bible va plus loin en utilisant ce mot irréprochable, irrépréhensible. Il dit qu'il vient chercher une église sans tache et irréprochable, c'est ça? Amen. Si c'est sans tache, posons la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit appelle par tâche? Dis à ton voisin, juge-toi. Pour savoir si tu as des tâches. Voilà. Il dit irrépréhensible, ça veut dire qu'il ne faut pas que... Le mot anglais pour irrépréhensible, ça veut dire blamelessness. Blameless. Donc ça veut dire que tu ne dois pas avoir de culpabilité. Il ne faut pas qu'on te dise, ça, tu as été coupable ici. L'apôtre Pierre l'utilise autrement, il dit que soyez saint dans toute votre conduite. Vous entendez ça? Il n'a pas dit dans votre vie, il dit soyez saint dans toute votre conduite. C'est-à-dire, avant de me comporter n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, je poserai la question, si Christ avait été ici, approuverait-il mon acte? Vous comprenez, frère? Amen. Jugeons-nous nous-mêmes. Passons nos vies dès ce soir au crible de la parole. Méditons doucement. Posons-nous la question fatidique. Suis-je dans le péché ou hors du péché? Dans la deuxième partie, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée.